pas marin, pas saisonnier. Sur ma carte d'identité, ils ont écrit aventurier. Les filles de ce gars, faut vous méfier. J'ai tant gagné, mais tellement perdu. J'ai pris pas mal, mais j'ai rendu. Je voulais me brûler, maintenant c'est fait. Un homme libre n'a jamais de regrets. Et personne ne viendra sur le port. D'ailleurs, je n'ai ni argent ni or. J'arrive le cœur en paix, je ne demande rien. Simplement, aujourd'hui je reviens. Je ne suis pas de ces grands hommes qui vivent de leurs médailles. Je n'ai pas de victoire, c'est pour ma pomme. Pas de trésor, rien que de la mitraille. Pas une arme sur le quai de la gare. D'ailleurs, je n'ai ni diamant ni dollar. J'arrive le cœur en paix, je ne demande rien. Simplement, aujourd'hui, je reviens. Pas même la maison de mon père. Pas un chat.